c'est l'un des romans, si ce n'est le roman, ou plus exactement le cycle de romans le plus important de la littérature de science-fiction. C'est en tout cas le plus vendu au monde, avec plus de 12 millions d'exemplaires pour le premier tome, et encore sont des chiffres de 2003. Dune de Frank Herbert paraît en 1965 et débute une saga qui va profondément marquer le monde de la SF, le baliser en devenir un pilier, avant son adaptation en 1984 par David Lynch. Dune a même failli supplanter Star Wars et devenir le premier space opéra monumental du cinéma dans une adaptation signée Alejandro Jodorowsky qui ne verra jamais le jour. L'héritage de Dune de Frank Herbert, c'est ce dont nous allons nous entretenir avec un auteur, un scientifique et un journaliste dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de filer sur la planète Arrakis, faire le plein d'épices, restons encore quelques minutes sur Terre pour le journal des sciences du baron Xavier Martinet-Harkonnen. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Le journal des sciences. Et on commence par cette information. Peut-être une victoire contre le diabète. Alors il faut évidemment rester prudent, mais des chercheurs auraient trouvé un moyen de supprimer à terme les piqûres quotidiennes d'insuline, Xavier. En effet, l'insuline qui est, vous le savez, avec la greffe, le seul moyen disponible pour lutter contre le diabète de type 1, le plus répandu, une maladie, je le rappelle, auto-immune, responsable d'1,5 million de décès par an. Alors on connaît son fonctionnement, mais on la soigne mal. Les cellules de l'organisme sont incapables d'assimiler les sucres à cause d'un déficit en cellules bêta du pancréas, celles qui produisent justement de l'insuline. Et jusqu'ici, les recherches portaient sur la manière dont on peut réduire la progression de la maladie en suppléant à ces cellules bêta. Ce qu'ont fait les chercheurs de l'INSERM, c'est qu'ils se sont intéressés à la génétique de ces cellules et ils ont découvert qu'un neurotransmetteur naturel permettait, sans modification génétique, de forcer d'autres cellules du pancréas, les cellules alpha, à se transformer en cellules bêta. Alors l'essai sur les souris est concluant, celui mené sur des cellules humaines aussi. Or, c'est justement ce neurotransmetteur, le GABA, qu'on utilise comme complément alimentaire. Il est très répandu. Serait-il efficace au point de pouvoir envisager de supprimer les piqûres? Écoutez la réponse prudente et en effet du responsable de l'étude, Patrick Colomba. En fait, après avoir démontré qu'en utilisant des modifications génétiques, on pouvait convertir certaines cellules du pancréas en cellules qui fabriquent de l'insuline, bien entendu, on ne pouvait pas appliquer ces modifications génétiques chez l'homme. On ne peut pas modifier le patrimoine génétique chez l'homme de façon sécurisée. Donc on s'est demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver en fait une molécule, une drogue, qui puisse permettre de mimer les effets de cette modification génétique. Et donc on a testé des milliers de molécules. Au final, on a eu la chance d'en trouver. Et donc ce qu'on peut démontrer, c'est que ces cellules alpha peuvent être littéralement converties en cellules qui fabriquent de l'insuline. Et là, le corps va détecter qu'on a un manque, le manque des cellules alpha qu'on vient de convertir, et va les régénérer. Et donc, de façon continue, on peut, avec sous l'effet d'un traitement GABA, induire la régénération continue des cellules qui fabriquent de l'insuline. Pour l'instant, il faut être très très très prudent. On va tester chez l'homme et on va apporter l'ensemble des réponses requises. Si tant est que ces réponses soient toutes positives, on pourrait imaginer l'établissement d'un traitement dans les 5 années qui suivent. Mais encore une fois, je préfère rester très très très prudent. Il faut d'abord tester et je ne conseille pas aux gens atteints de diabète de type 1 de prendre du GABA au jour d'aujourd'hui. Voilà, Patrick Colomba, donc directeur de recherche à l'INSERM et professeur à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Deuxième sujet cette semaine, Xavier, la vie alien serait-elle possible ? La presse s'interroge depuis que des chercheurs américains ont réussi quelque chose d'assez stupéfiant, faire synthétiser du silicium par une bactérie, un peu comme ce que pourraient faire les extraterrestres à la place du carbone. En effet, là, le but des chimistes du Caltech, l'Institut de technologie de Californie, était économique d'abord de concurrencer un procédé industriel connu qui permet d'obtenir des liaisons entre atomes de carbone et atomes de silicium, par exemple, pour fabriquer des cosmétiques ou des médicaments. Un procédé industriel, mais eux voulaient le faire biologiquement, ans, finalement ils y sont parvenus. En effet, en utilisant les capacités d'une bactérie particulière issue des geysers irlandais, la Rhodothermus marinus. Alors après sélection génétique, cette bactérie s'est mise à produire 15 fois plus de liaisons carbone-silicium que d'habitude. Là, l'astuce des chercheurs, c'est d'avoir porté leur attention sur une molécule particulière, le cytochrome C. En fait, c'est un M, c'est-à-dire une protéine organique, mais qui contient du fer et qui donc est capable de transporter les électrons dans le corps, ce qui est très utile effectivement pour les réactions chimiques. Écoutez les explications de la chimiste Frances Arnold, elle est responsable de l'étude. Il n'y a que les hommes qui ont pu assembler ces éléments auparavant en utilisant des composés métalliques. Mais ils n'avaient pas pensé au M des composés métalliques à l'intérieur des cellules vivantes. Nous, c'est l'hypothèse que nous avons faite. Tout ce que nous avons fait, c'est de tester un grand nombre de protéines contenant des M. On a d'abord été étonnés de voir que beaucoup de protéines catalysaient cette réaction, mais on a choisi le cytochrome C de la Rhodothermus marinus parce que non seulement il réalisait une catalyse plus rapide, mais il était aussi très sélectif dans les liens qu'il produisait. Il faisait seulement un des deux produits souhaités. Et c'est ça qui est excitant pour les chimistes. Ce qu'on veut faire, c'est de la chimie précise à base de protéines. Par exemple, pour des médicaments qui contiennent du silicium. Donc vous voyez, ça permet de fabriquer des composés organiques de silicium à l'intérieur des cellules vivantes, mais la bactérie ne l'intègre pas encore dans son métabolisme propre. Alors la vie en silicone, c'est peut-être la prochaine étape. Alors le silicium, Xavier, est d'ailleurs donc assez effectivement abondant à l'état naturel et sur Terre et dans l'espace. Assez pour faire ressurgir ce vieux mythe issu de la série Star Trek, le Horta, cette créature vivante faite de silicium. Oui, dans un épisode de 1967, mais il y a aussi des arguments chimiques qui sont intéressants, puisque comme l'atome de carbone, l'atome de silicium est tétravalent, ça veut dire qu'on peut le lier à 4 de ses électrons, ce qui permet de former des molécules en 3 dimensions. Et puis il est très abondant en effet sur Terre. Le chercheur de la NASA, Carl Sagan, lui considéré comme un des pionniers de l'exobiologie, s'était érigé en 1973 contre justement le chauvinisme du carbone. Alors s'agit-il vraiment de chauvinisme ou de contraintes techniques? La NASA, elle, avait publié une étude sur ce qu'elle appelle la Weird Life, la vie étrange, où elle n'envisageait pas d'autre hypothèse que le squelette carboné pour produire la vie. Michel Vizeau, lui, est responsable des programmes d'exobiologie au CNES. Il trouve que c'est, je le cite, une expérience de biologie et de chimie remarquable, mais pas encore une preuve de possibilité d'existence de vie en silicium. Le silicium est un bon candidat puisqu'il est quand même abondant, on le voit beaucoup, il a une certaine richesse chimique, mais par contre, le silicium et les composés à base de silicium, que ce soit les silicates, les cailloux hein, pour simplifier, ou les silicones, ce qu'on met le long des éviers, hein, pour simplement pour empêcher justement l'eau de couler, c'est qu'ils ne réagissent pas avec l'eau. Ou très peu. Le silicate réagit, mais avec très très lentement. Et donc, on pense qu'il ne peut pas y avoir spontanément une chimie suffisamment riche et suffisamment variée pour avoir la multitude de molécules qui sont nécessaires à une activité métabolique, donc à la vie pour simplifier. De l'eau et du silicium, ils sont produits partout, sur Mars, sur Vénus, sur certains satellites glacés des planètes géantes. On pense à Europa, par exemple. Pour l'instant, les gens n'envisagent pas la possibilité, sérieusement, je dirais, d'une vie à base de silicium ou même d'une chimie à base de silicium particulière sur Europa. Et dans le système solaire, du silicium, il y en a sur toutes les planètes telluriques et sur tous les satellites du système solaire. Et ce silicium-là, il se comporte comme le silicium sur la Terre. Donc voilà, donc on en reste, que l'on veuille ou non, à une vie à base de carbone et avec un solvant exceptionnel qui est l'eau. Et pour conclure par notre rubrique de science improbable de la semaine, des ordinateurs qui arrivent à parler entre eux sans qu'on comprenne ce qu'ils se disent, des ordinateurs qui lisent plus efficacement qu'un être humain sur les lèvres, et maintenant des ordinateurs prophétiques. C'est la suite des expériences parfois un peu inquiétantes sur l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'on peut y voir par exemple des trains qui ne sont jamais entrés en gare, des vagues qui n'ont jamais roulé sur la plage ou des bébés qui n'ont jamais plissé leur visage, et pourtant ils ont été filmés ainsi. Ce sont les résultats d'une expérience du MIT sur un nouveau système d'informatique qu'ils appellent neural, et ils appellent ce système les réseaux adverses. Alors ordinateur prophétique ou cinéaste, en fait le système est simple: pendant que l'un des deux algorithmes apprend à digérer 2 millions de vidéos, l'autre apprend à reconnaître les vidéos authentiques des vidéos fausses. Puis les chercheurs montrent une image au premier algorithme qui génère automatiquement la suite du film, il la fait valider par l'autre, un film d'une seconde, 32 images, mais en tout cas assez précis pour créer un bon effet de réel. Ce qui est inquiétant avec les algorithmes, c'est qu'ils apprennent, mais sans connaître rien de ce qu'ils apprennent. Ils apprennent à repérer des situations types et normales et à les reproduire. Résultat, donc, des centaines de vidéos courtes comme autant de scènes fantômes et pourtant réellement créées. Bientôt donc sur Terre, le djihad butlerien. Merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve la semaine prochaine. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Alors, je ne me suis pas subitement transformé en génie du mal, contrairement à ce que cet indicatif laisse penser. Mais nous allons parler au cours de cette heure du monument de la littérature de science-fiction que représente le cycle de Dune de Frank Herbert. Sachez donc que l'on est en l'an 10191. L'univers connu est gouverné par l'empereur Padishah Shaddam IV, mon père. À cette époque, la plus précieuse substance de l'univers est l'épice, le mélange. L'épice accroît la longévité. L'épice amplifie le champ de conscience. L'épice est vitale au voyage dans l'espace. L'épice a fait des navigateurs de la guilde spatiale des mutants après 4000 ans d'usage, car ils absorbent le gaz orange qui leur donne le pouvoir de replier l'espace. C'est-à-dire de se transporter n'importe où dans l'univers sans se déplacer. Ah oui, j'oubliais de vous dire, l'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Désolée, aride, cette planète possède de vastes déserts. Caché dans les cavernes des rochers de ces déserts vit un peuple connu sous le nom de Fremen, qui depuis longtemps prophétise la venue d'un homme, d'un messie, qui les conduirait vers la véritable liberté. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. Voilà la voix française de Virginia Madsen, alias la princesse Irulan, dans le film de David Lynch de 1984. Je vous le disais tout à l'heure, le premier tome de Dune a été publié en 1965 par Frank Herbert, mais depuis, eh bien, la saga continue, elle a été reprise par son fils d'après les notes qu'il lui a laissées. Le dernier volume, le tout dernier volume, Navigators of Dune, est sorti au mois de septembre aux États-Unis. Ça fait donc 50 ans quasiment après la publication du premier. Le DVD du documentaire sur le projet de film avorté du réalisateur Alejandro Jodorowsky vient de sortir en DVD. Une expo est d'ailleurs en cours jusqu'à mardi à Paris à la galerie French Paper. On ira tout à l'heure en reportage dans cette exposition. Et ce n'est pas tout, puisque le studio américain Legendary vient d'annoncer avoir trouvé un accord avec les ayants droit de Frank Herbert pour une nouvelle adaptation vraisemblablement cinématographique de Dune dans les années à venir. Voilà, vous le voyez, 50 ans après sa publication, Dune est toujours d'actualité et ça dit l'importance de ce cycle dans la littérature et l'imaginaire de la science-fiction depuis les années 60. Et pour évoquer cet héritage, nous avons réuni autour de la table de la méthode scientifique, comme chaque vendredi fiction, un auteur, un scientifique, un journaliste, Norbert Marjanian, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur des Tours de Samarante et de 13 altitudes zéro dans l'excellente collection Lune d'encre chez De Noël, et ça a également été repris en poche chez Folio SF. Nous sommes avec François Forget. Bonjour François. Bonjour. Astrophysicien, planétologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace, entre autres, on va pas dérouler votre CV sinon on y est encore dans un quart d'heure. Et Michel de Pragmontal, bonjour Michel. Bonjour. Journaliste scientifique notamment à l'Obs et à Mediapart. Alors commençons. Je ne suis plus à l'Obs. Vous êtes plus à l'Obs. Juste à Mediapart. Ex-journaliste à l'Obs. Bref, autant pour moi. Commençons donc par le commencement. Pour vous, un souvenir marquant de Dune, chacun brièvement, Michel. La chasse au ver de sable, c'est une chose assez étonnante. C'est bon, puisque ça se passe dans un désert où il y a du vent, il y a des espèces de vers géants qui sont extrêmement dangereux. Et dans le peuple dont on parlait tout à l'heure, les Fremen qui sont des gens du désert, il y a une épreuve initiatique qui consiste à dompter le ver de sable qui est bon. C'est raconté dans le roman d'une façon extrêmement prenante et c'est une des images fortes qui me reste. Norbert Marjanian. Oui, alors moi c'est une image qui se passe dans la caverne des Fremen. C'est le moment où en fait il y a la compréhension que dans cette caverne il y a une densité de temps, d'espace qui permet d'atteindre tout l'univers. C'est-à-dire que on a la capacité, là, par un simple petit geste, comme le roman commence en disant « les commencements sont délicats », par un simple petit geste, de pouvoir modifier l'univers entier dans sa suite. Et ce pouvoir, là, qu'on ressent très fort, et cette résonance entre des temps différents qui, moi, m'a particulièrement marqué. François Forget. J'aurais du mal à répondre. Parce que je l'ai lu adolescent et je me souviens, je pense que la sensation qui est partagée par ceux qui ont lu Dune, notamment quand il était adolescent, c'est cette impression de lire quelque chose qui est un peu réel dans un vrai monde, tout en étant un monde avec toutes ces puissances intellectuelles. Moi qui suis astrophysicien très rationnel, on reste marqué par cette idée qu'on peut manipuler sa peur, qu'on peut manipuler l'avenir, je ne sais quoi, ce qui dans le monde réel voilà, le côté pseudo-science, j'aime pas trop, mais là, on est juste pris là-dedans et on y croit. Et cette force-là, qui est unique à certains romans de science-fiction ou un petit peu à Tolkien, par exemple, qui est devenu maintenant hyper connu, ça marque beaucoup, je trouve, quand on est ado et qu'on lit ça. On a l'impression qu'après ça, Madame Bovary, c'est la gnognotte. Quoi. C'est tellement puissant. Je me souviens très bien de cette impression que la science-fiction est plus puissante que les romans du 19e siècle. Je pense que j'avais tort. Hein. J'avais tort. Mais quand on est ado, on a une impression de puissance qui ressort de cette création de monde, de personnages incroyables, etc. Ça fait sourire Norbert Marjanian. Oui, parce que la science-fiction, c'est une littérature hybride. Et en tant que littérature hybride, elle touche à tout. Et c'est sa prétention, mais je crois que dans les meilleurs récits, elle y parvient. Et quand je dis elle touche à tout, c'est-à-dire elle est capable effectivement de faire le lien entre un discours scientifique, une vision scientifique, et les choses les plus irrationnelles qui feraient hurler un scientifique. Mais ce lien, en soi, il est intéressant. Et il y a peu de littérature qui convoque ces relations possibles. Michel ? Oui, j'aurais bien voulu ajouter une petite chose, c'est que moi, il me semble que certains romans de science-fiction, enfin de n'importe quel genre d'ailleurs, ont une telle dimension qui ne dépasse le genre. Je pense que dans la science-fiction, pour moi, il y en a trois ou quatre. Il y a 1984, il y a Le meilleur des mondes et il y a Dune. Sauf que 1984 et Le meilleur des mondes, c'est des utopies négatives. C'est un peu comme un système. Et Dune, c'est le contraire d'un système. C'est une espèce de tresse étrange qui mélange plusieurs thèmes et bon, mais ça sort du, c'est pas de la science-fiction, c'est un roman. Quoi. Alors justement, replaçons-nous un peu dans le contexte de la publication de Dune. C'est intéressant ce que vous évoquez, Michel, parce que effectivement, il y a les grandes dystopies de science-fiction, hein, celle d'Orwell, le meilleur des mondes. Et de l'autre côté, il y a le rationalisme d'Asimov, les robots, le futurisme. Et Herbert est en rupture avec ces deux modèles-là, en quelque sorte. C'est très étrange ce qu'il fait. D'abord, il prend trois thèmes qui sont ultra actuels aujourd'hui. C'est pour ça que c'est toujours actuel. C'est-à-dire qu'il y a l'écologie qui est centrale dans le roman. Il y a le problème des machines que lui, il prend à rebours d'Asimov. C'est-à-dire que les machines sont l'ennemi. Troisième thème qui arrive, c'est le djihad qui arrive sous deux formes. Il y a ce qu'on appelle le djihad butlérien qui est une guerre contre les machines qui d'ailleurs va être racontée après en détail dans d'autres... épisodes de la saga. Mais qui est une toile de fond hein, au début du premier roman. Ça s'est passé déjà. Dans le premier roman, c'est déjà arrivé, mais bon, il y a un problème avec les machines. Et l'autre chose, c'est qu'il y a le djihad tout court, parce que les fameux Fremen dont on parle sont à la fois des écologistes visionnaires, mais en même temps, ils sont très passionnés et ils sont à un moment... Enfin, ça revient sans arrêt. Cette tentation du djihad, je trouve fascinant que ces trois thèmes s'entremêlent dans un roman qui est écrit à 50 ans. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, on le prend en pleine figure, quoi. Surtout qu'il y a 50 ans, cette histoire de djihad, c'était de l'histoire, en fait. Ça fait référence vraiment au djihad historique des années 700, etc. Et maintenant, le mot djihad, à l'époque, personne ne connaissait ce mot. Non. Et maintenant, c'est un mot que tout le monde connaît et qui a une référence absolument actuelle. Je pense que même il y a 20 ans, quand je l'ai lu, on pensait au djihad historique, les années 700-800. C'est vrai que certainement pas ce qu'on veut dire aujourd'hui. Alors, il faut peut-être, je ne sais pas qui veut s'y coller, faire un bref résumé, tenter à l'oral rapidement la quatrième de couverture. Qui veut essayer ? Ouais, je veux bien essayer. Mais... Michel de Pragontal. Rapidement, pour les gens qui ne l'ont pas lu, pour donner envie un peu de lire et replacer un peu le contexte. Je vais sûrement oublier des choses parce que c'est tellement foisonnant. Bon, il y a cette planète Arrakis dont on a parlé, qui est une planète désertique, sur laquelle il y a une seule richesse qui est la fameuse épice, qui est une épice qui donne une espèce de sixième sens qui permet de s'orienter dans l'espace. Alors, en plus, une des bizarreries par rapport à la science-fiction, c'est qu'il y a des vaisseaux spatiaux partout qui vont très loin, mais on sait jamais comment ils marchent, mais bon, ils vont, mais il faut les guider, et comme il n'y a pas de machine, ils sont guidés par des sortes de pilotes qui consomment drogués à l'épice, par exemple. Bon. Et alors, donc, il y a cette planète qui est à la fois convoitée. Bon, il y a, on comprend qu'il y a des guerres. C'est Star Wars. Hein. Mmh. Star Wars a été pompé sur... Beaucoup. On en reparlera tout à l'heure. Oui, non, mais c'est juste pour dire, situer un peu. Donc, il y a des guerres entre différents empires qui veulent, qui convoitent Dune. Et il va y avoir un personnage qui sera le personnage central dans le... En tout cas, dans le premier roman, qui est Paul, qui est le fils d'un roi, mais qui est Paul Atreides, oui. Qui a été, enfin, son père a été assassiné, et lui il va se retrouver exilé sur cette planète, et finalement, il va devenir un peu le Messie, disons-le, puisque c'est vraiment une figure messianique, le chef de guerre et le Messie, mais pas des Fremen qui sont eux complètement. Massacrés par les autres empires. Qui veulent exploiter l'épice. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, Norbert Merjanian, sur la dimension narrative? Oui, il y a évidemment les Bene Gesserit, toute la dimension du rapport à la génétique, puisque une des hantises qui apparaît dans le roman, c'est la stagnation génétique. Et comme le biologique, après la guerre contre les machines, les hommes ont investi le biologique et l'ont étendu sous des capacités tout à fait nouvelles, les Bene Gesserit jouent un rôle particulièrement important puisqu'elles contrôlent cette évolution génétique c'est au un travers ordre des de croisements. Femme, voilà. C'est un ordre de femmes aussi, et c'est matriarcal. Aussi, voilà, qui renvoie aussi un peu matriarcal, avec des pouvoirs mentaux qui sont extrêmement craintes. Et puis il y a les Mantas de l'autre côté, qui sont des calculateurs vivants, en quelque sorte, et qui ont une vision un peu particulière, c'est intéressant d'ailleurs d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'ils ne conçoivent un processus que en s'y moulant, c'est-à-dire ils ne peuvent concevoir mentalement quelque chose qu'en allant dans le processus lui-même. Et surtout, donc la première loi du mental, c'est de ne jamais interrompre un processus. Ce qui est intéressant, parce que c'est ce que disait Michel à l'instant, on l'entend. Hein, donc il y a effectivement, Dune se situe à la croisée de plusieurs thèmes qui résonnent aujourd'hui avec une contemporanéité très très forte. L'écologie, la question du fanatisme, l'intrication du politique, de l'économique et du religieux. Alors, c'est toujours détestable de dire à propos d'un auteur de science-fiction ou d'anticipation, il avait tout prévu. Néanmoins, Frank Herbert pose là, effectivement, des préoccupations qui sont loin et qui sont très distinctes des préoccupations de la science-fiction des années 60 encore. Michel. Moi, ce que je trouve très fascinant, c'est que donc il entremêle ces thèmes. On n'a pas parlé d'écologie, mais il voit l'écologie d'une façon assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il la voit pas juste comme une chose à court terme. Les Fremen ont un plan sur des siècles pour faire revenir l'eau sur leur planète. Et enfin, c'est la première fois que j'ai vu une vision d'une écologie globale qui est décrite. D'ailleurs, il dit que la plus haute fonction de l'écologie, c'est la compréhension des conséquences. Donc, c'est une vision qui est construite comme étant. Et alors, c'est intéressant parce que les Bene Gesserit ont une vision générationnelle, mais les Fremen, avec leur écologie, ont aussi une vision générationnelle. Ces choses vont s'entrechoquer. Enfin, il y a comme ça une espèce de. Enfin, moi, je connais aucun roman de science-fiction ou de littérature en général qui ait créé ça avec autant de thèmes très forts de ce que nous vivons aujourd'hui dans la société. Mais alors, on parle beaucoup des thèmes et on peut encore en dire pas mal de choses, notamment, et on l'a évoqué, quelque chose d'important chez Herbert qu'on retrouvera dans d'autres de ses romans, c'est-à-dire la dimension messianique du héros, le dépassement de soi, le sacrifice. Peut-être vous voulez en dire un mot d'ailleurs, je veux opiner Norbert Merjanian. Oui, parce que au-delà de la vision messianique, parce que en fait, Herbert, c'est qu'il prend des codes, il prend presque des lieux communs et il les tord. Et c'est là où le roman est vraiment, vraiment fort et qu'il acquiert sa propre dimension. Si on revient simplement au lieu commun qui est à l'origine, on perd quelque chose. Et donc, pour moi, le Kwisatz Haderach, c'est bien au-delà d'un messie. C'est évidemment une histoire qui parle de la préscience et de comment est-ce qu'un être peut acquérir une forme de préscience et une vision du futur. Et c'est le récit n'est que le catalyseur qui va mener à ça. Et en fait, Herbert, dans le roman, peut-être plus que dans les films, parle sans arrêt de cette capacité de l'esprit à dépasser sa condition matérielle, physique, et à pouvoir envisager un temps et l'espace à des horizons qui lui sont naturellement totalement impossibles. Michel ? Oui, non, c'est vrai qu'on, enfin, c'est que quand on dit préscience, on peut penser à un prophète ou un. Mais vous aviez raison de dire, d'insister sur le fait qu'il ne s'en tient pas au lieu commun. Et la préscience dans Dune, c'est pas exactement une histoire de voir l'avenir. C'est très ancré dans le phénomène de génération et de génétique. Hein, et ce entre guillemets messie qui est pas vraiment un messie, qui est un double messie, hein, parce qu'on parle beaucoup de Zerac, il est projeté par les Bene Gesserit qui font des tas de calculs sur, avec qui il doit pouvoir avoir partagé des gènes ou pas. Et donc c'est pas juste une vision comme ça de. Elle voit l'avenir dans une boule, c'est pas ça. Elle s'essaye de construire le monde sur 100 ou 150 générations. C'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que cet ordre matriarcal essaye de donner naissance à l'être humain parfait qui va pouvoir, je crois, voir là où elle ne voit pas, en faisant de l'eugénisme, hein, ni plus ni moins. C'est-à-dire en croisant les lignées les unes avec les autres pour obtenir... En faisant de la génétique. En faisant de la génétique, enfin une certaine forme... C'est pas que de l'eugénisme, non, il y a des... Enfin, Un mot donc sur cet aspect écologique qui est évidemment très très prégnant. On a dit que donc il y a cette épice qui est produite sur la planète Dune, qui est donc exploitée, qui est le théâtre de guerre pour pouvoir s'en approprier les ressources. Et c'est une planète qui est elle-même désertique, donc où l'eau est une ressource extrêmement rare. Et il y a tout un jeu notamment dans les premiers tomes de Dune entre l'épice denrées rares et convoitées, et l'eau denrées rares qui vient du coup que seuls les Fremen en fait savent à peu près utiliser, notamment grâce à leur combinaison. Voici mon fils, Paul. Êtes-vous un Fremen ? Je suis venu sur Arrakis servir l'Empereur depuis si longtemps que mes yeux ont changé. Nous nous en remettons à vous, docteur. Croyez bien que vos distils sont un présent apprécié. Pouvez-vous nous expliquer comment ils fonctionnent ? Voyez-vous, ceci est un distil fabriqué par les Fremen, le modèle le plus performant sur Arrakis. C'est un filtre très efficace, avec système d'échange de chaleur. La transpiration passe dans une première gaine et va se concentrer dans une seconde. Un filtre élimine le sel. Marche et respiration fournissent le pompage nécessaire. L'eau recyclée par ce moyen circule dans des poches récupératrices. Et l'on peut ensuite boire grâce à ce tube fixé sur le cou. Urine et excréments se retraitent dans les cuissardes de la combinaison. Si jamais... Vous êtes en plein désert. N'oubliez pas, respirez par la bouche et expirez par ce tube nasal. Avec une tenue Fremen en état, vous êtes certain de survivre pendant des semaines. Même dans le désert profond, Zir. Voilà, toujours extrait hein, du film de 1984 de David Lynch. Le distil, le rapport entre l'épice et l'eau, ça dit quelque chose évidemment de l'exploitation des ressources. Il y a évidemment un parallèle qui est fait avec le pétrole. Et donc ça prend part à la dimension politique de ce cycle de Dune, Michel de Pracontal. Oui, pour l'épice et pour le distil, en fait, c'est ce qu'il y a, c'est que c'est le... Enfin, c'est le recyclage poussé à l'extrême. Donc là, je trouve que c'est un peu une résonance aussi avec des préoccupations d'environnement, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas quand même dans cette menace, mais je veux dire, on pourrait à un moment se dire chaque goutte d'eau doit être récupérée. Un mot encore, et puis on va passer un peu à la suite, et notamment aux tentatives d'adaptation qui sont elles aussi assez folles. Norbert Merjanian, en tant que lecteur, je crois que l'un des éléments de Dune qui reste le plus fort pour moi, c'est effectivement ce lien très très fort entre la politique, la religion et cette figure messianique, notamment vis-à-vis des Fremen, dont Paul Mouaddib, qui va les mener, dit que s'ils meurent, d'un seul coup, ils vont être gagnés par le fanatisme et se lancer dans le djihad. Là aussi, c'est une conception vraiment assez radicalement moderne, en tout cas assez éclairée de ces liens entre politique, religieux et fanatisme, finalement. Oui. Parce que les Fremen sont des héros qui peuvent basculer à tout moment, et d'ailleurs, ils vont finir par basculer. Avec là aussi la hantise, qui est celle du fanatisme. Mmh. Et tout l'enjeu de la préscience de Paul, c'est précisément d'aller sur le fil de l'action qui est violente, sans basculer dans le fanatisme et d'éviter que ce peuple des Fremen qu'il guide tombe dans le fanatisme. Je suis d'accord, à l'époque, on était dans une vision historique presque romantique du monde arabe, mais je pense que l'actualité là-dessus peut être un prisme qui fait manquer une partie importante du roman qui est au-delà de, qui est pas tellement le fanatisme. Moi, j'ai envie de dire c'est le rapport à la non-permanence, c'est-à-dire que Paul voit le monde et voit l'ensemble de l'histoire comme quelque chose de non permanent, comme un flux, des vagues, un océan. C'est pour ça, d'ailleurs, Dune, on a même visuellement cet univers. Cette non permanence, c'est aussi d'un point de vue écologique ce qu'il ramène à la vie. Alors que ce soit les machines ou que ce soit le fanatisme, ce sont des choses qui figent, qui stérilisent, et on a la même hantise qu'en génétique avec la stagnation, c'est-à-dire qui amène à une forme de stagnation. Et il y a donc la violence, par exemple, dans le monde de Dune, peut être une violence créatrice ou une violence qui amène à la stagnation. Il y a ce proverbe Bene Gesserit dans Dune qui dit « Lorsque la religion et la politique voyagent dans le même chariot, les voyageurs pensent que rien ne peut les arrêter, ils vont de plus en plus vite, ils oublient alors qu'un précipice se révèle toujours trop tard. » Cette phrase est étonnamment actuelle. C'est génial. C'est vraiment... 1965. C'est vraiment des problématiques qui nous touchent de plein fouet aujourd'hui. Le mélange entre la religion et la politique, le fait que voilà, qu'on voyage dans le même chariot, ça résume parfaitement. On peut dire que Dune est vraiment le maître étalon de ce qui va devenir un genre qu'on appellera par la suite le space opéra. Dune vraiment pose les jalons de ce genre-là, Michel de Précontal. Je connais pas très bien le sujet, mais moi, mon intuition, c'est que, parce qu'on peut parler, on voulait parler des adaptations de Dune qui se sont pas bien faites, mais en réalité, moi, je pense que l'adaptation de Dune, c'est Star Wars. Simplement. On va en parler dans quelques secondes. Je veux dire, il y a, Dune est peut-être trop complexe pour être adapté directement, mais finalement, il y a eu plein de... Oui, pour moi, au-delà d'être un space opéra, ce qu'il est, c'est surtout le prototype du livre-monde, c'est-à-dire du livre qui prend sa dimension par lance tous ces aspects. Je parlais tout à l'heure de littérature hybride, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise aussi bien des aspects politiques, des aspects scientifiques. Il y a un côté tragédie grecque très très nettement assumé, hein, le meurtre du père au départ, la figure messianique du sauveur. Enfin, et puis des très bons méchants, Harkonnen ou le baron Harkonnen sont des méchants parfaits. Ils sont formidables, oui. Vous êtes sensible, François Forget, à ce côté, mais qui est dans les bons space opéra, bigger than life, plus grand que nature, de la tragédie en train de se faire du fils prodigue qui revient transfiguré. Oui, mais ça, je dirais, on le trouve partout. Je suis sensible, je l'ai déjà dit un petit peu, je suis toujours sensible et je reste sensible au fait qu'on lit un livre comme ça, un roman qui n'est pas si long que ça. Il n'est pas court, mais il n'est pas si long que ça. On parle du premier volume. Oui, c'est vrai. Non seulement on a une histoire extraordinaire et derrière, on a un univers auquel on croit totalement. Et on retrouve ça, encore une fois, dans notre roman, c'est vrai. Et il y a un petit peu de ça dans Star Wars, pour ceux qui écoutent cette émission et qui n'ont jamais lu de science-fiction. Ce côté, voilà. Alors évidemment, Star Wars, c'est juste un film et c'est un peu moins puissant, mais ce côté-là, on ne se pose pas la question. On démarre, on est tout de suite dans ce monde-là, la question ne se pose pas, bien sûr. On voyage dans l'espace à cause de telle guilde qui a un nom compliqué, tac, tac, tac, tac. Et puis voilà, rapidement, on est là-dedans. Et il se trouve que dans ce monde-là, tout est un peu plus puissant. Les gens peuvent voir dans l'avenir, il y a des épices très forts, on fait des choses extraordinaires, et puis, voilà, c'est ça qui est amusant. Ah, voilà, ça évoque aussi quelque part de ce côté-là. Finalement, c'est un gros classique. Et donc, l'un des plus grands, de ce point de vue-là, histoire à la mode, c'est Game of Thrones, qui a aussi cette idée-là. On se met dans un autre monde. Le point commun, là, c'est les luttes de différents dynasties qui luttent un petit peu. Il y a aussi des choses qu'on retrouve là-dedans. Et tout ça a pour origine bien avant la science-fiction. C'est des origines de tous les romans, toutes les histoires, tout simplement. Et donc, on le disait, il y a Ah oui, Michel, vous vouliez dire quelque chose. Non, il y a une hypothèse que j'aimerais bien vous soumettre en vous écoutant, c'est que parce que bon, on va en parler après. Beaucoup de gens ont essayé d'adapter Dune, ça ne s'est pas fait. Moi, mon hypothèse, C'est que, en fait, c'est un roman qui est d'une telle complexité, d'une telle richesse que c'est pas adaptable, enfin pas vraiment. Et par contre, on peut trouver énormément de productions de cinéma et de télévision qui ont beaucoup emprunté à Dune. Mais je sais pas. Enfin, alors, sur les tentatives d'adaptation avant le film de David Lynch de 1984, quelqu'un d'autre, un autre réalisateur, a tenté de s'y coller sans succès. Un documentaire retrace cette histoire. Écoutez. Visión fue tremenda. I wanted to make something sacred. Una película que diera las alucinaciones de LSD. Si tomara LSD, to change the young mind of all the world. Michel Sidoux said to me, I want to make a new picture with you. What do you want to do? I say, Dune. And he said, yes. C'était le plus beau livre de science-fiction, si vous voulez, la Bible de la science-fiction, un succès d'édition mondiale. I didn't read Dune, but I have a friend who said it was fantastic. Voilà, extrait de la bande-annonce de Jodorowsky's Dune, le documentaire qui retrace l'histoire de ce film qui ne s'est jamais fait. Alejandro Jodorowsky, que vous avez entendu en espagnol et en anglais dire qu'il voulait faire un film qui donne l'impression de prendre du LSD sans prendre de LSD. On est 2 ans, hein, on est 2 ans avant la sortie du premier Star Wars. Jodorowsky veut sortir son film, vient de sortir l'un des films qui est pour moi le plus fou de Jodorowsky, qui s'appelle La Montagne Sacrée, et il veut faire son Dune avec Mick Jagger dans le rôle de Fedro Harkonnen, Orson Welles dans le rôle du Baron Harkonnen, Salvador Dali en empereur, David Carradine à Mandalire avec une musique de Pink Floyd, enfin bref, un projet bigger than life, le plus grand film de science-fiction que le cinéma ait jamais vu. Et finalement, le film ne sera pas financé. Il manquera 5 millions d'euros pour aller jusqu'au bout. Est-ce que, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez que le panorama de la science-fiction au cinéma aurait été changé si Dune de Jodorowsky était sorti avant Star Wars? À votre avis, François Forget. Parce que c'est une autre proposition. Il faudrait, c'est dur, je peux pas m'empêcher, là je peux souhaiter en avant, je sais pas si c'était le sujet, je peux pas m'empêcher de penser à l'adaptation de David Lynch. J'ai du mal à imaginer à quoi ça ressemblerait. Ce que je sais, je sais pas si on devait en parler un peu plus tard, c'est que l'adaptation de David Lynch à l'époque, je l'avais trouvé vraiment décevante et je l'ai revu récemment avec mes enfants et c'est terrifiant, c'est complètement raté et j'ai du mal à me projeter. Par contre, quand je dis que c'est raté, c'est au sens où je ne peux pas m'empêcher de me dire que moi, je pense qu'on peut adapter Dune. Ça pourrait faire un film extraordinaire, ou plutôt une série de films. C'est un petit peu trop riche pour tenir en 2 heures, quoi. Mais il y a moyen de faire quelque chose d'absolument extraordinaire qui touchera des gens qui n'ont pas lu le roman et qui plaira à ceux qui l'ont lu, ce qui est très difficile. Alors maintenant, si on ce film-là dont je parle, ce film qui peut-être sur plusieurs épisodes, qui contiendrait bien amener l'univers et l'intrigue, donc à la fois les deux, le tout avec quelque chose d'esthétique qui aurait, comme on aurait pu faire en 1910, oui, ça aurait pu être un film extraordinaire et qui aurait effectivement marqué l'histoire. Alors, à l'occasion de la sortie du DVD hein, de ce documentaire Jodorowsky's Dune, il y a une exposition qui a débuté cette semaine dans une galerie parisienne, la galerie French Paper. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous étiez au vernissage, hein, vous ne ratez jamais un vernissage, Antoine. Jamais. Il y avait quoi dans cette expo? J'ai rencontré Romain Dubois et Mathieu Cole qui travaillent pour Blackout Edition, qui vient de sortir ce DVD. Et Romain et Mathieu sont à l'origine de cette exposition qui réunit une vingtaine de dessinateurs de BD qui livrent leur interprétation de Dune dans la lignée de celle de Jodorowsky. Cette expo, qui rend hommage à cette adaptation mythique qui n'a jamais vu le jour, propose aussi de voir des dessins originaux de Hans-Rudi Giger qui avait été recruté par Jodorowsky pour imaginer avec Moebius, excusez du peu, l'univers de Dune. Et si le travail graphique de Giger est devenu quelques années plus tard inoubliable avec Alien, c'est en partie grâce au travail préparatoire fourni pour le Dune de Jodorowsky. À la base, nous, on travaillait sur le coffret collector de l'édition DVD et on avait envie de soigner l'édition et de proposer une édition à la valeur du documentaire. Et on a eu l'idée de proposer un livre et de demander à une vingtaine de dessinateurs leur vision autour de l'univers de Frank Herbert ou de Jodorowsky. Et au fur et à mesure, en travaillant là-dessus, on s'est dit qu'en recevant les dessins progressivement, ça pourrait être comme pas mal de faire une expo autour de ça et de rassembler un peu tous ces dessinateurs au sein d'une même galerie. Donc c'est de ça que c'est parti, d'abord le coffret et ensuite l'exposition. Bah, du coup, on a eu un vrai instantané de vision d'artistes du monde entier, Japon, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, vraiment de partout, de ce qu'aurait pu, de ce qu'aurait dû, je ne sais pas, être Jodorowsky's Dune. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont prêtés au jeu parce qu'ils connaissent parfaitement évidemment cet univers-là, ils adorent Jodorowsky ou ils adorent Dune. Donc du coup, on a réussi à fédérer à la fois les communautés fans de SF et du Herbert de la grande époque et la communauté des fans de Jodo aussi depuis les années 70. Donc du coup, ça, plus les BD-files aujourd'hui, voilà, pour nous, c'était une expo toute trouvée. Je voudrais savoir un peu ce qui ressort de tous ces dessins que vous avez, enfin, des dessinateurs auxquels vous avez fait appel. Chacun a apporté un peu son interprétation de cet univers-là. Est-ce qu'il y a un fil conducteur à tout ça ? Alors, moi, pour répondre à ça, je pense le fil conducteur, en fait, je pense que c'est d'abord les personnages mêmes du roman d'origine. Parce que moi, ma crainte, c'était que beaucoup dessinent le même personnage, qui est le baron Harkonnen, qui, j'ai l'impression que ça soit au sein du film de Lynch ou au sein du roman, est le personnage qui a beaucoup marqué de par sa démesure, son apparence physique assez grotesque. Beaucoup de dessinateurs, et c'est vrai que, bah, on remarque que parmi les dessins, il y en a 3 ou 4 qui ont le représenté, qui n'ont pas pu s'en empêcher, parce qu'inconsciemment, c'est ça, c'est ce motif qui ressort. Après, je pense que l'autre motif qui ressort, c'est le côté un peu psychédélique, jodorowskien, de ce côté-là. Voilà, on a Laurent Bourlot qui a dessiné une espèce de fresque qui mélange un peu toutes les origines autour de Jodorowsky, que ce soit Möbius, Foss, Giger. On a Charles Glaubitz qui propose une vision très psychédélique, qui représente le moment où Paul Moadib Atreides prend des épices et s'imagine des visions rocambolesques. Donc il y a ça, je pense. Il y a à la fois des motifs autour de certains personnages qui ont marqué leurs auteurs, et aussi le côté psychédélique en provenance de Jodorowsky dans les années 70. Voilà, c'est les choses qui restent, je pense, pour moi. Ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il y a une adaptation de Dune qui s'est faite, c'est celle de Lynch, mais celle qui occupe tous les esprits en fait, de ces dessinateurs, c'est celle de Jodorowsky. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu de cette adaptation qui n'a jamais eu lieu, mais qui reste un film mythique? Ouais, finalement, c'est le fantasme de ce qu'aurait pu être qui nourrit aujourd'hui encore l'imaginaire, etc. Parce que je crois aussi que le film de David Lynch, et il le dit lui-même, est quand même plus ou moins renié et par ses créateurs et par les fans de SF et notamment les fans du roman. Donc du coup, c'est vrai que ce qui reste aujourd'hui, c'est ce projet qui n'a jamais eu lieu et qu'on imagine ample et on imagine infiniment supérieur à celui qu'a fait Lynch. Et d'ailleurs, il y a un million de personnes derrière qui ont essayé de s'y atteler. Il y a eu une mini-série, il y a quand même eu d'autres, il y a eu d'autres projets, mais rien de vraiment définitif sur l'adaptation du roman. Est-ce que vous pourriez m'en dire deux mots de ce film, Jodorowsky? D'une, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Bah, ce qu'il faut en retenir pour moi, c'est l'accumulation de témoignages des gens ayant participé à l'époque et étant toujours vivants. Alors des gens justement n'ayant pas du tout participé à ce projet, mais ayant fantasmé dessus, au même titre que nous qui regardons le documentaire. Quelqu'un comme Nicolas Winding Refn, qui est un fan absolu de Jodorowsky, qui est un peu son... Comment dire ça, Jodorowsky, c'est un peu le mentor officiel de Refn. L'entendre parler de ce documentaire, enfin de ce film de projet fou dans le documentaire, c'est vraiment entendre un passionné. Et c'est quelque chose d'assez... Parce qu'on se sent proche de lui, malgré tout, parce qu'on a le même point de vue de lui. On ne connaît pas ce projet, et malgré tout, on le découvre par le biais du storyboard, par le biais des témoignages de l'époque. Donc voilà, c'est ça qui me marque, en fait. C'est l'accumulation des gens y ayant participé et des gens qui découvrent comme nous ce projet et qui l'ont fantasmé, voilà. Alors, on n'a pas parlé d'un des clous de l'expo, c'est quand même les 5 planches originales de Giga. Est-ce que vous pourriez m'en toucher deux mots? Oui, alors donc c'est les dessins qu'il a réalisés sur commande de Jodorowsky à l'époque en 75. Il était venu à Paris rencontrer Jodorowsky pour discuter avec lui d'un projet assez fou qui était donc l'adaptation d'une. Jodorowsky lui a commandé de dessiner sa représentation de la planète Harkonnen, donc où vivait le peuple Harkonnen, qui selon Jodo, et je pense que c'était le cas, était l'univers le plus adapté à lui, au côté assez sombre, morbide, organique de Giger. Donc en résulte, bah, c'est ces dessins qui... Je pense qu'on les regarde en un clin d'œil, on sait par qui ils ont été faits. Quoi. On reconnaît direct quand on a en tête Alien, puisque c'est à partir de ces dessins que Giger a retravaillé pour travailler sur le projet de Ridley Scott. Voilà. Donc c'était l'occasion de montrer l'intégrale de son travail, donc, y compris les dessins et les croquis aussi, puisqu'il a pas mal réfléchi au fonctionnement même de la forteresse Harkonnen de manière très complète. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi des planches de mécanique. Voilà, c'est ça. Non seulement il a réfléchi à la représentation, mais jusque au fonctionnement même de l'intérieur de la forteresse, pourtant qu'on ne voit absolument pas sur les dessins. Mais pour lui, pour que ce soit crédible jusqu'au bout, il fallait que lui-même croie à sa création et que ça fonctionne parfaitement à tous les niveaux, que ce soit le pont-levis, la machinerie, les hélicoptères, tout ça. Voilà, pour les fans et pour les curieux, vous pouvez aller voir cette exposition à la French Paper Gallery au 51 rue Volta, dans le 3e arrondissement de Paris, et c'est jusqu'au 6 décembre. Voilà, jusqu'à mardi prochain, on mettra évidemment tout ça sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Outre ce film, donc on l'a dit, hein, c'est Star Wars qui naîtra et qui deviendra le maître étalon du space opéra au cinéma 2 ans plus tard, et vous le disiez tout à l'heure, Michel, Star Wars pioche allègrement dans Dune. On peut parler de la planète désert, les vers de sable, les sardocars qui sont des stormtroopers. Enfin, oui, mais quand même, comme ça a été dit tout à l'heure, moi je pense que Dune ne se réduit pas du tout à un space opéra. Et en fait, en écoutant ce qui se disait là, moi, une idée qui m'est venue, on pourrait faire une comparaison. Si vous prenez l'œuvre de Dick, il y a peut-être 20, je sais pas exactement, mais il y a peut-être 20 films qui soit sont des adaptations, soit empruntent, soit sont des copies, plus ou moins. Et il y a, en le disant ou en le disant pas, etc. Total Recall, Minority Report. Et voilà. Mais si vous lisez Dick, en fait, il faut tout lire. Moi, j'ai venu dire, génial, il faut tout lire, parce que quand vous lisez tout, ça compose une espèce de vision qui est assez prenante. Dans le cas de Dune, Blade Runner aussi, suis-je bête, j'oublie Blade Runner, que c'est film. Oui, Blade Runner, qui est un des plus grands films de science-fiction. Et pourquoi ça marche pas avec Dune? C'est encore une hypothèse, mais moi c'est comme ça que je perçois, c'est que c'est un livre qui est tellement une totalité. Moi d'abord, j'ai absolument pas éprouvé le besoin de lire la suite. Je m'en fiche de la suite. Je veux dire, la suite, c'est-à-dire les romans écrits par son fils, qui ont été écrits par, non, mais même par lui, il a continué. Et après, il y a le fils, et Anderson, etc. Je n'ai aucune attirance pour ça, parce que je trouve que le premier est tellement fort, il entremêle tout, et à mon avis, il est impossible à dérouler, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'adaptation. Vous partagez ce point de vue, Norbert Benjamian? C'est inadaptable. Alors, inadaptable, j'en sais rien. Peut-être sous forme de... Alors, le problème du cinéma, c'est le temps, c'est 2 heures. Donc, peut-être sous plusieurs films, ce serait nécessaire. Jodorowsky voulait faire 12 heures. Hein. Il voulait faire, voilà, 12 heures, 20 exactement. Heures. Alors, ouais. Ce qui est intéressant, si je reviens sur Jodorowsky, c'est que c'est l'œuvre non réalisée, mais qui a effectivement inspiré toute la SF dans son... dans le domaine du cinéma, notamment des années 80, et c'est devenu un mythe en soi, ce film non réalisé, on le voit encore aujourd'hui, et c'est un mythe créateur. Donc c'est en tant que récit, en tant que tel, c'est très intéressant. Et l'adaptation de Dune, pour moi, je reviens sur l'aspect narratif qui est très fort et très simple et qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est pour ça qu'on disait que c'est un livre facile à lire. Oui, parce que d'un point de vue narratif, il y a tout, il y a les méchants, il y a les bons, mais il y a en plus, une dimension. Moi, je fais le lien entre ce que a écrit Herbert et la science cybernétique des années 50. C'est-à-dire que il renvoie à des concepts aussi bien philosophiques, scientifiques, qui ont d'ailleurs pour partie été oubliés, qui sont très vastes. Et c'est cette dimension-là qui est difficile à adapter et à faire passer dans le cinéma, qui est d'abord un art du mouvement. Vous diriez que Dune a une influence pour vous dans votre carrière d'auteur ? Moi, je me nourris de toutes les influences, donc Dune a sûrement eu une influence. J'ai écrit dans un... Mes romans se passent dans un univers désertique, donc voilà, l'influence, elle est palpable. François Forget, Dune a eu une influence dans votre carrière d'astrophysicien ? pas directement, mais il se trouve que dans l'espèce de démarche qu'on fait tous avec nos collègues pour essayer d'imaginer les environnements possibles sur les autres planètes au sens large, et même dans le système solaire, là on peut les observer, mais autour des autres étoiles. Il se trouve qu'il y a une catégorie de planètes qu'on appelle des dunes, et on les appelle vraiment comme ça, parce que beaucoup de chercheurs sont un peu fans de science-fiction. Ouais, tout à fait. Alors ces planètes-là, ce sont des planètes qui sont... par exemple comme la Terre, mais sur lequel la quantité d'eau disponible est beaucoup plus faible. Qu'est-ce que ça fait quand on se retrouve comme ça? Ça fait que l'eau va pas faire une planète océan recouverte d'océan comme sur Terre, mais il va juste y avoir l'eau qui va s'accumuler là où il fait froid, en fait. C'est ce qu'on appelle un piège froid, donc typiquement au pôle. Il se trouve qu'on a des planètes dunes dans le système solaire. On a Mars, qui est beaucoup plus froide, mais la glace s'accumule au pôle et le reste c'est un grand dessert extrêmement sec. Et on a aussi Titan. Titan, bizarrement, alors c'est beaucoup plus froid, il y a pas d'eau, enfin il y a l'eau sous forme de cailloux, mais Titan est un peu une espèce de terre avec un cycle du méthane. On fait souvent cette comparaison-là, c'est-à-dire que vous avez des rivières de méthane, des nuages de méthane, il pleut du méthane. Mmh. Et en fait, on fait souvent cette analogie, mais on oublie de préciser que c'est pas vraiment à la Terre qu'il faut penser, c'est plutôt à une planète comme nous, parce qu'il y a tellement peu de méthane que le seul endroit où on trouve vraiment des lacs de méthane, c'est au niveau des pôles. Tout le reste est désertique. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces planètes qui s'appellent Dune? C'est parce que elles ont une qualité particulière. Si vous prenez la Terre et que vous l'approchez un tout petit peu du Soleil, ça va être la fin du monde. Parce que dès qu'on chauffe un petit peu plus, la vapeur d'eau des océans qui sont partout, ça va s'évaporer, ça va renforcer l'effet de serre, il va faire encore plus chaud, et il y a une... Vous voyez, ça fait boule de neige, on dit une rétroaction positive, c'est-à-dire que ça s'emballe. Mmh. Et à ce moment-là, on peut montrer que si on bouge la Terre de quelques pourcents, les océans se vaporisent, il fait 2000 degrés sur Terre, c'est la fin du monde. Mmh. Si on prend une planète comme Dune, sur laquelle il y a beaucoup moins d'eau, eh ben on peut s'approcher beaucoup plus proche. L'eau va rester au niveau des pôles où il fait plus froid. Et donc, dans ce qu'on appelle, nous, notre quête de savoir où est-ce qu'on peut trouver des planètes propices à la vie, on appelle ça la zone habitable. La zone d'habitabilité. Et ben, la zone habitable est beaucoup plus étendue pour les planètes comme Dune. Donc, c'est là où on utilise ce terme. On a la zone habitable pour les planètes comme la Terre, les planètes et la zone habitable qui est repoussée plus près de l'étoile pour les planètes comme Dune. Voilà le jargon qu'on utilise. Et Michel de Pracontal, pour conclure, est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une postérité littéraire, c'est-à-dire d'un héritage littéraire chez d'autres auteurs, dans d'autres sagas, ou tout le monde d'ailleurs, hein, Norbert Merjanian, François Forget, est-ce qu'il y a d'autres romans qui ont emprunté à Dune ou qui se sont inscrits dans la continuité? Je pense que ça a dû inspirer beaucoup de monde, mais en même temps, je vois pas de postérité évidente. Moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Moi, pour moi, mais bon, c'est une perception, je comprendrais très bien qu'on soit pas d'accord avec cette idée. Pour moi, c'est un objet total. C'est un truc qui est arrivé comme ça, boum, et il y a rien, il y a pas avant, après. C'est pour ça que c'est un roman exceptionnel. Norbert Merjanian. Oui, mais moi, je pense que l'inspiration, elle est partout. Et en même temps, dans la science-fiction, ça me permet de passer aussi un message. Dune, ça date de 65. C'est très actuel, mais il y a une science-fiction actuelle contemporaine qui est extrêmement riche, qui s'inspire, absolument, évidemment, qui se nourrit, mais qui pose peut-être les sujets, non pas d'aujourd'hui, mais les sujets de la société des 20, de demain, 30, 50, 100, 100 ans qui viennent. Et j'invite les voilà, et je peux citer Alain Damasio avec La Route du Contrevent, mes propres romans les Tours de Samarante, qui sont une vision à très long terme, à 2000 ans de nous. Et Laurent Genefort, Catherine Dufour, il y a tout un tas d'auteurs contemporains. Il faut aussi savoir dépasser Dune. Très bien, mais écoutez, ce sera un beau mot de conclusion. Dépassons donc Dune, mais retournons-y quand même, parce que c'est toujours bien d'y retourner. Si vous ne l'avez pas lu, retournez lire ces tomes de Frank Herbert. Si vous les avez déjà lus, replongez-vous-y. C'est toujours un plaisir inégalé. Merci beaucoup à vous trois. Merci Norbert Merjanian. Je rappelle, les Tours de Samarante et Tresse aussi, Altitude Zéro, que vous avez publié, sont disponibles chez De Noël dans la collection Lune d'encre ou en poche en folio SF. Merci François Forget. Merci Michel de Pracontal. Je rappelle également l'exposition à la galerie French Paper et la sortie du DVD Jodorowsky's Dune, qui est édité par Blackout. On mettra évidemment toutes ces informations sur le site de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Léo Quentin, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Pascal Baudin et au droit d'auteur Jean-François Souvilly. Dans un instant, le journal de 8h. On se retrouve demain à 7h pour la suite de ce best-of de La Méthode Scientifique, jusqu'à preuve du contraire.